bi nak ben histoire bu amone gambie la ben jaay kat ben boutiquier boutiquier bi amala tudd mu don jaay fogan ci place quoi way yi day jaay ay ñamine buuy ay ñamine ki taxax yoy yep ay gerte tamit way ji mom a chaque fois day yore sakku gerte am legi afrika mu jaay par detail fek mom ci boru boutiquem dafa amone ben ginaxna bu fa dekk ginax bi dal sa way mom yaako ko fen gerte rek la bëgg la la ni sa yi waje approvisioner en gerte rek ginax bi dal fa lay nek gaay di door di door di door di door di door di door way da tok dal jik sa affaire marque bima xamé né kene bima xamé ginax rek mëna xaa ki da gaay il faut ko mo musu ko légui waji jël saku gerte bi ga remplacer ka par saku gaay ni ginax bi ga nan la ngi affaire démé way ñew rek duggal mo ki xam nga rek moy ki ni kanay yu tuttu yo gaay taw wax rek mais ginax bi dal dafa ñew gaan dafa ñew rek sanjaaf ki bi dafa rek sanjaaf sak bi mais dafa lok ben kaani rek tok la xon ko ciura la wax ni beuti commencé joy mu tok no gaan di ram la imagine la gaan ginax bi gaan di ram ñew gaan ba ci boutique yeb nek ni am woto